Cosette, c'est fou. Spin pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné enfile ses gants pour sortir un plat favori du four. Et on parle littérature avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. On a aussi notre côté éducatif avec C'est un fait et la chronique Geek Célix. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à cette édition d'Assemblage requis en ce mardi 3 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et on s'adonne à être en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Hein? Oui, seulement ce matin. Seulement ce matin, d'habitude, c'est... Ouais, c'est en différé. Écoute, on vient la taper le matin, okay. Encore plus de bonne heure. À 4 heures. Ouais, c'est ça, on va se coucher. Puis on vient travailler un peu plus tard. Là. Ça finit bien la nuit. Ouais, ça, c'est exact. Pourquoi dormir, en ça fait? Ça finit bien la nuit. C'est ça. À 4 heures du matin. Ça commence pas bien une journée. Ça finit bien la nuit. Ben, c'est l'émission qui finit bien votre nuit. Bon. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir la chronique de Stéphanie Gagné. C'est ton plat favori vers les 7h30. Elle va nous présenter ses coups de cœur culturels, artistiques, musicaux, cinématographiques. Ouais, tout ça ensemble. Ouais, un jour, peut-être qu'elle va nous parler d'un voyage de pêche. Ou d'une pièce de théâtre. On attend toujours, hein? Oui, ou un téléroman. Téléroman, ouais. Genre, dans la chambre en ville. Ouais. C'est très drôle, quand même. Il y a un livre qui raconte la suite des aventures de Pete et Lola. Ça manquait dans ma vie, ça. aussi à l'émission à 8h30, on aura la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire. Et elle nous parle d'un livre ce matin. Idéalement. Ou d'une revue, tu sais. Je vais pas m'avancer. Ça peut être une revue. Oui. Une revue. Littéraire, ça existe, ça. Ah, ouais, ça existe. Sinon, on a aussi la chronique C'est un fait où on va apprendre des choses tellement intéressantes. Et la chronique XCNX, incluant les nouveautés en magasin cette semaine. Wow! Wow! Wow! Mais on débute avec une très bonne pièce, mais on commence très relax aujourd'hui. Voici The Bar Brothers et Beggar in the Morning. Ah, c'est fou, 89 FM. Bon matin, tu sais. Ou bonne fin de nuit. Ouais, bonne fin de nuit. J'aime mieux ça. Ouais. Oh, est-ce qu'on rejoint une petite comptine? Fais de l'eau, Non. Non. Okay. Walk the outskirts of this town,

You Separate, We Said Die, avec la pièce There Is Love Within My Heart. Et c'est bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça ici. Oui, c'est romantique, je trouve. J'essaie de sortir des vieux hits comme ça. Tu fais bien. Mais hey, on essaye. Ça me rappelle dans le temps, première année d'assemblage requis, on jouait ça aussi souvent qu'on joue Beggar in the Morning ces temps-ci. Ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant, parlons de choses geeks, voici CNX. CNX, Dash.com. Collègue de mardi matin, toi, François, t'as de l'amour dans ton cœur. Moi, j'ai des choses geeks dans mon cœur. Dans ta tête. Dans ma tête. Parce que ton cœur. Pas besoin de cœur, là. Non, pas besoin de cœur. Les robots n'ont pas besoin de cœur, donc j'en ai pas besoin. C'est ma grande inspiration. Débutons par un résumé des petites choses du poisson d'avril qui sont passées. On a parlé un petit peu hier dans notre chronique CNX. Il y en avait déjà eu plein, dont la version NES de Google Maps, tu te rappelles? Ouais. Mais maintenant, il y en a d'autres. Mm-hmm. Oui, il y a une autre de Google, pour commencer, qui s'inspire un petit peu de la nouvelle dont on a parlé hier sur la voiture qui se conduisait tout seul. Okay. Tu sais, là, tu te rappelles l'aveugle qui pouvait aller chez Taco Bell au restaurant suivant. Oui, je me rappelle de ça. Bon. Ben, une des blagues, cette fois-ci, de Google, c'était la voiture Google Racing. C'était une voiture NASCAR sans pilote. OK. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a aussi YouTube qui a sorti sa YouTube Collection. C'était les différentes vidéos de YouTube, mais sur un média physique que vous pouvez commander. Ah, oh, ouais? Ouais, c'est encore une fois une blague. On peut pas vraiment commander ça. Non, c'est ça. Une petite bande de... Comment dire, de vidéastes amateurs qui ont fait une bande-annonce pour Assassin's Creed pour Kinect. Okay. Aussi en vidéo sur assemblagerequis.com. Et WestJet qui lançait Cargo Bout de Chou pour. C'était une série d'avions qui présente des vols sans enfants. Voilà. Et finalement, la sextape de Charlie's Theron qui est bien populaire en ce moment sur Internet, mais c'est faux. C'est une blague. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait même Air France, d'ailleurs, qui avait fait... tu m'as parlé de WestJet, pour ça que je te parle de ça. Et il avait dit à leurs clients qu'il y avait deux dates là, prochainement à cause des élections en France, que les gens avaient le droit de voter en avion. OK. Puis, ça avait sorti dans un communiqué de presse. Ah, eh bien. Côté jeux vidéo, il y a la série animée de Mass Effect par le site IGN.com. C'est un site de nouvelles de jeux vidéo. Et c'est très réussi, leur dessin animé avec des voix vraiment parfaites. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je saute par-dessus un paquet que vous comprendrez sûrement pas. Il y a Rock Band, le jeu de table. Le jeu de société Rock Band. Okay. Une belle blague. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y en a plein d'autres. Allez voir sur assemblagerequis.com. De les expliquer serait trop compliqué. Voilà. Maintenant, allons-y avec des avancées technologiques un peu. Des chercheurs du MIT développent en ce moment de petits robots qui s'assemblent autour d'un objet bidimensionnel pour le reproduire et ensuite s'en dissocier. Oui, des cubes magnétiques que les chercheurs appellent des galets intelligents pourraient entourer un objet, en déterminer sa forme et reproduire une version agrandie de cet objet-là. Il s'agit de galets de 10 mm cubiques qui communiquent entre eux grâce à des microprocesseurs simplifiés et des aimants. Cette communication leur permet de se joindre l'un à l'autre ou de se dissocier lorsque nécessaire. Un étudiant à la recherche au laboratoire de robotique de MIT est un des auteurs de la recherche, c'est Kyle Gilpin. Il voit des applications pratiques. Si un problème survient sur une pièce mécanique de votre voiture, vous allez pouvoir la rassembler avec du ruban adhésif, la placer dans un système avec des galets intelligents et en obtenir une nouvelle. Dans le futur. Ah ouais. Ça pourrait être cool. Tu la ramanches, tu mets ça dans ces galets-là qui prennent la forme et puis tu reproduis ça. Ouais. Quand même. On avait aussi parlé d'un plastique qui guérissait tout seul dans la chronique d'hier. C'était grâce à la lumière et la chaleur. Donc, avec le développement de sable capable de cloner son environnement, est-ce qu'on se dirige vers des clones auto-régénérateurs? Nous demande l'article de branchezvous.com. Vous pouvez aller voir la vidéo pour comprendre ce que c'est, ce concept-là. Et selon un professeur d'ingénierie électrique à Harvard, la création de cubes beaucoup plus petits n'est pas un obstacle insurmontable. Ça nécessite seulement beaucoup de travail. Mais c'est déjà commencé. Maintenant, un écran qui aime être embrassé. Ah, ouais. On nous demande qui n'a jamais essayé d'embrasser une affiche d'une vedette, hein? Ou sa télé. Ouais. Ça peut arriver. Les chercheurs de l'université de Keio ont récemment présenté lors de XD Exhibitions 2012 à Tokyo une nouvelle technologie qui pourrait apporter un peu de dynamisme aux affiches. Pour présenter le nouveau système, les chercheurs ont mis au point un écran. Celui-ci affiche une photo d'une femme. Lorsque l'utilisateur s'en approche, le visage change comme pour donner un baiser. Et quand il s'éloigne, le visage rougit. En fait, l'écran a recours à un capteur à ultrasons qui utilise la distance séparant l'écran de l'usager. En fonction de la distance qui sépare les deux sujets, l'image présentée à l'écran change. Pour l'instant, cette technologie ne prend en charge que des changements visuels. Elle pourrait cependant faire appel aux autres sens, par exemple l'odorat, le goût et l'ouïe. Ce dernier pourrait, par exemple, sentir le shampoing de la personne montrée à l'écran ou encore goûter à son baume à lèvres à saveur de citron ou encore entendre une voix lui chuchoter « Je t'aime ». L'équipe de scientifiques « Je t'aime ». L'équipe de scientifiques travaille présentement sur une application pour iPad et d'autres méthodes de captation pourraient être utilisées comme la reconnaissance du visage ou encore un capteur de lumière réagissant aux ombres créées par l'usager qui s'approche de l'écran. Je cite un des chercheurs. « Je suis un grand fan des idoles populaires et j'ai plusieurs affiches d'elles dans ma chambre. Ça me frustrait de constater que les affiches ne bougeaient pas. » Est-ce que tu as déjà eu ce problème-là? Non. T'avais pas de vedette préférée, genre Samantha Fox? Ouais, mais moi, dans mon temps, c'était papier, là. Ouais, physique, là. Physique. Pas niaisage, là. Le papier, c'est doux. Hein, c'était doux. Ça sent bon. Hein. C'était lisse. Ouais. Mais sur iPad, c'est pas de mauvaise idée. iPad. Oh. Ouais. Je sais pas. Le reste. Alors. On verra. On verra bien. Maintenant, on parlait d'un véhicule guidé tout seul tantôt. Maintenant, parlons d'un vol d'essai réussi pour une voiture volante. Oui, le fantasme des automobiles coincées dans les bouchons. c'est un peu rapproché. Qu'est-ce que ça dit? Le fantasme des automobilistes, oui, coincé dans les bouchons, c'est un peu rapproché de la réalité lundi, avec l'annonce de, par une société américaine du succès du premier vol d'essai de sa voiture volante. Le prototype baptisé Transition, un petit avion qui peut circuler sur route avec les ailes repliées, a volé pendant 8 minutes, ouvrant la voie à sa commercialisation d'ici un an, a précisé la firme Terra Fugia. Avec ce vol, je cite, nos équipes ont montré leur capacité à rendre réel ce qui n'était jusqu'à maintenant considéré comme une comme un rêve impossible à réaliser. D'une autonomie de 787 km, Transition est large de 2,3 mètres en version voiture, ce qui lui permet de se garer dans un garage classique et de 8 mètres quand ses ailes sont déployées pour voler. Pour s'envoler, l'engin a besoin d'une piste de 762 mètres de long, rendant de fait impossible le rêve de s'envoler au-dessus des embouteillages, sauf si on prédit ou prévoit son décollage à l'avance. De nombreuses entreprises ont déjà tenté de vendre une voiture volante, mais aucune n'est parvenue à céder plus de quelques modèles d'un coût de 279 000 $. Transition a déjà été commandé à une centaine d'exemplaires. Hey, non, mais là... Une centaine d'exemplaires, quand même. Ouais, quand même. Mais 8 mètres pour réussir à s'envoler. 8 mètres, quand même. Hein? Ouais. Quand même loin. Ashton Kutcher qui deviendrait Steve Jobs le temps d'un film... Oui, on sait tous que Steve Jobs est décédé en octobre dernier à 56 ans. Sans blague, il va y avoir un film biographique baptisé Jobs. D'après le quotidien spécialisé Variety, Ashton Kutcher aurait décroché le rôle de la star de l'électronique grand public. Le film va être scénarisé par Matt Whiteley et Jobs se concentrera sur la jeunesse de Steve Jobs, époque où le jeune passionné d'électronique expérimentait avec le LSD et embrassait la spiritualité orientale avant de faire ses débuts chez Atari, puis de fonder Apple avec, entre autres, Steve Wozniak. Les rênes de la mise en scène de cette production indépendante seront tenues par Joshua Michael Stern, celui qui a fait Swing Vote. Et le tournage devrait commencer au mois de mai. Jobs affronte un autre projet autour de la carrière de Steve Jobs, amené par le scénariste Aaron Sorkin, déjà à l'écriture de The Social Network, autour de Mark Zuckerberg, créateur de Facebook. Social Network, c'est pas super vieux comme film, ça? Genre l'année passée, ça? Ouais, ça date quand même. Mais pourquoi ils disent qu'ils affrontent... OK, ils parlent de l'ancien film. Okay, ça affrontera pas ce film-là, non? Non. T'sais, ils disent que ça va affronter The Social Network. Les deux peuvent exister sans s'affronter. Ils sont même pas au cinéma en même temps, ça part pas. Mais bref, merci à la presse. Allons-y avec une application pour traquer les filles. Après deux jours de controverse, l'éditeur de l'application pour iPhone, Girls Around Me, a retiré son programme, téléchargé plus de 70 000 fois du magasin d'applications en ligne d'Apple, App Store. Le logiciel créait des cartes géolocalisées à partir de la position de l'utilisateur sur lesquelles il affichait de nombreuses informations sur des femmes qui habitent ou fréquentent cet endroit. Édité par une société russe, Girls Around Me se fondait à la fois sur les données publiques de Facebook et de Foursquare, qui est un service utilisé pour signifier la localisation des gens. En combinant ces données, l'application générait des cartes Google personnalisées sur lesquelles il affichait des portraits des femmes ou des hommes, si on activait l'option, résidant ou ayant signalé leur présence dans les environs. Plusieurs sites spécialisés avaient émis de vives critiques contre l'application. Le blog Cult of Mac, très lu aux États-Unis, estimait notamment que le programme était un outil rêvé pour les harceleurs en tout genre. C'est clair, le graphisme de l'application, dont le logo est une femme plantureuse sur fond d'écran radar, ne plaidait pas en sa faveur. Foursquare avait choisi de bloquer l'accès de Girls Around Me le vendredi 13 mars. Et puis, on dit que iFree, l'éditeur de Girls Around Me, avait protesté avec véhémence contre ce blocage. On va voir si c'est débloqué un jour. Ça a l'air intéressant comme... Ouais? Non. Non, mais c'est pas correct, mais en même temps. Ouais. Les filles sont sur Foursquare, c'est qu'ils veulent être vus à un moment donné par quelqu'un. J'imagine. Mais je sais pas, c'est une combinaison de deux choses qui ne devraient pas nécessairement être combinées ensemble. Parlons de jeux vidéo maintenant pour terminer. En fait, pour continuer, les jeux vidéo violents ne rendraient pas plus agressifs et pourraient même avoir l'effet inverse sur ses adeptes, indique une étude réalisée par des chercheurs suédois. Les scientifiques de l'université de Göteborg ont passé des centaines d'heures à jouer en ligne et à observer des joueurs en pleine action, dont certains qui ont été filmés. Ils se sont concentrés sur des jeux décrits comme violents, par lesquels les joueurs doivent à la fois, se battre et collaborer ensemble. Ouais. Les chercheurs, trois chercheurs, avec des noms bizarres, ont conclu que les joueurs trop agressifs ou trop émotifs sont ceux qui connaissent le moins de succès à ces jeux. En revanche, une bonne capacité à collaborer serait essentielle. Ils expliquent que le lien entre ces jeux et un comportement agressif découle de la notion de transfert qui voit les connaissances acquises dans un certain contexte être mises en application dans un autre. Pour l'instant, la notion de tel transfert concernant les jeux vidéo violents et la vie réelle des joueurs tient davantage de l'hypothèse que du problème concret. Angry Birds va être adapté en dessin animé et en film, François. Okay. Ça, c'est déprimant. Pourquoi? Ouais, ça, c'est déplaisant, là. Sérieusement, là. Moi, je veux pas voir ça, là. Ben moi non plus, puis je comprends pas qu'il va vouloir voir ça. C'est même pas, ça a même pas, il y a pas d'histoire là-dedans. Non, c'est des cochons qui se font pourchasser par les oiseaux. Non, c'est ça. Non. Joué par plus de 130 millions de personnes par jour, le célèbre jeu Angry Birds pour smartphone et tablette va passer du petit au grand écran. Au départ, simple petit jeu sur appareil, Angry Birds est sur le point de devenir un véritable phénomène du divertissement, hein, comme si ce n'était pas déjà, là, et de l'industrie culturelle, puisque son éditeur Rovio a annoncé qu'un dessin animé était en production et qu'un film était même prévu. Je cite, nous allons sortir une série d'animations à la fin de l'année sous forme d'épisodes de 3 minutes diffusés chaque semaine. Oh, au moins 3 minutes, tu vois. C'est déjà trop. Ouais, c'est peut-être trop, au moins ça passe vite, tu sais. C'est déjà trop. Une demi-heure, j'aurais pas tout fait ça. Yeah. 52 épisodes sont programmés avec une diffusion sur plusieurs supports sans qu'on sache si la télévision sera concernée. On s'attend à peut-être des capsules web, tu sais, YouTube, iPhone, iPad. Il a été précisé aussi qu'un film était en préparation, mais qu'il ne sortirait pas avant 2 ans. Ça, tu vois, là, c'était tirer la sauce un petit peu trop, là. Mm. C'est en cours de développement, mais ça sortira pas avant 2013 ou 2014. On dirait qu'ils se sentent obligés. Ben, c'est pour faire du cash! Cash money? Oh, ouais, mais... Tu sais, sinon, tu fais quoi? Des toutous? Déjà fait. Des porte-clés? Déjà fait. Des chocolats? Déjà fait. Non, c'est ça, c'est partout. Des t-shirts, j'en ai vu. Ben oui, des sacs à dos, des tasses à café, casse-tête, tout ce qui peut être sorti est sorti. Donc, il ne reste littéralement que les films et les jeux vidéo et les émissions de télé, voilà. La prochaine console de Sony sortira-t-elle avant celle de Microsoft? C'est selon le site VG247. Sony croit fermement qu'elle lancera sa prochaine console de salon avant celle de Microsoft. Les éditeurs et développeurs ont été invités à des rencontres en mai et en juin afin de découvrir la dite console. Selon la source du site, les grosses compagnies comme Ubisoft sont déjà au courant de la machine et ils ont commencé à y travailler. J'imagine. Ben oui. Ça commence pas aujourd'hui. Non, c'est pas, ça se fait pas demain. T'entends? Donc, la plupart des développeurs seront au courant de la console d'ici la fin de l'année. Puis, VG247 confirme que la nouvelle console n'utilisera pas le processeur Cell. La publication rapporte que Crytek avait planifié que la PlayStation 4 allait encore utiliser le processeur Cell, mais que le nouveau allait avoir 24 cœurs au lieu de 8 comme la PlayStation 3. C'est presque 4 fois le double. 4 fois, 2 fois le double. 4 fois le... En tout cas, le studio a été forcé de changer ses plans quand il a appris que Cell était mort. Finalement, VG247 affirme que la connectivité entre la PS4 et la Vita serait similaire à celle entre la Wii U et la tablette. Autrement dit, la console portable pourrait servir de manette et l'écran pour afficher des menus. OK. Sur la Vita, tu pourrais afficher des... comme du contenu additionnel. Ça peut être bien, je sais pas. Faut que tu le vois, faut que tu l'essaies. À peu près, puis ça va dépendre des jeux aussi. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui va l'appliquer de la même façon. Non, c'est ça, exactement. Et toujours au sujet de la prochaine Xbox, autre semaine, autre rumeur à propos d'une future console. VG247 rapporte que la prochaine console de Microsoft aura un lecteur Blu-ray, comme la PS3. Une contradiction par rapport à des rumeurs précédentes. Le site ajoute que la console a présentement 2 processeurs graphiques dont la puissance serait similaire à la série 7000 du fabricant AMD. Les 2 processeurs graphiques fonctionneraient de manière indépendante. Le processus de ce qu'on appelle en ce moment la Xbox 720 pour faire cute, là, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me suis fait dire l'autre fois, ben pourquoi ça n'a pas de sens? Ben parce que c'est 360 x 2. Ouais, mais 360, ça n'avait pas plus de sens. Oui, 360 degrés autour de toi. T'sais. Ouais, c'est ça. 720, c'est pas mal faire un tour puis revenir. Ouais, c'est ça, t'en fais 2. C'est pas mal ça. Bref, ça n'a aucun sens. Qui aurait quant à lui, donc, le Xbox 720, 4 ou 6 cœurs? Ça, je crois pas vraiment 4 ou 6 cœurs. Ça m'apparaît très peu comparé à 24. L'un d'entre eux qui serait réservé pour Kinect et un autre pour le système d'exploitation sur la machine. VG247, qui se fait beaucoup de pubs en disant son nom 3 fois dans l'article, ajoute que la console aura une mesure anti-piratage. On avait déjà un petit peu parlé de ça. Il serait apparemment obligatoire d'être connecté en ligne pour utiliser la console. Et l'annonce officielle ne serait pas prévue avant 2013 et le lancement à la fin de 2013. C'est ce qu'on dit pour l'instant. Tour du net maintenant, François, Olivier Marchand. On va y aller avec une petite vidéo très, très, très cute d'un chat qui joue du térémine. Tu te rappelles de ce que c'est du térémine, ouais, François? Oui, je sais exactement c'est quoi. C'est le truc pour avec les mains les sur les machines. Tu bouges ça, puis ça fait un petit peu comme ce chat ici. Il fait... Il est tellement cute, regarde-le. Regarde ça. Regarde comment il est cute. Aïe! Il s'épuise, là. Hop. Il se demande vraiment. Il fait des drôles de face. C'est un chat, Matt. C'est un chat. Un chat par semaine dans la chronique CNX François, au moins. Je me suis donné un quota sur le chiptune, je me donne un quota sur les chats aussi. Ouais. Ensuite, la joie de briser Facebook. Tu sais, Facebook, ça a battu MySpace dans le nombre de visites par mois et par année, etc. Parce que MySpace, c'était vraiment rendu plutôt mauvais. T'sais, tu pouvais changer la couleur de ton fond, mettre des gifs animés là-dedans, c'était animé partout, ça arrêtait pas de bouger, ça avait du fluo, du texte qui bougeait. C'était plate à mort et Facebook a commencé à prendre le dessus parce que c'était beaucoup plus pur et minimaliste. T'sais. Ben maintenant, ça va changer apparemment. Ah ouais? Parce qu'il y a une nouvelle façon avec... ce qu'on appelle Glitcher, qui est un compte Facebook qui ramasse des textes qui viennent briser Facebook parce qu'il y a différentes façons d'empiler des caractères. Là, je vous expliquerai pas techniquement ce que c'est, mais d'empiler des caractères un par-dessus l'autre pour que ça donne un genre de look bizarre à la page. Okay. C'est que dans un commentaire, tu vas taper, tu vas copier-coller cette affaire-là qui empile comme 300 caractères de suite un en haut de l'autre. Puis ça va faire une grosse ligne qui va passer à travers la page au complet, tu sais, en faisant ça maintenant. Donc, ça s'en vient. Vous allez voir ça de plus en plus, des caractères bizarres sur Facebook. Tu vas avoir l'impression d'avoir un virus. Ou je sais pas, si ton écran a l'air brisé, peut-être même en regardant ça. On dirait une craque dans ton écran, c'est laid. Mais ça s'en vient. Ouais. C'était la mode. Allons-y avec les nouveautés en magasin cette semaine. Il n'y en a pas tant que ça pour faire changement. Allons-y avec les jeux sur PC. Le jeu d'action Gettysburg Armored Warfare. Le puzzle 3 Switched. Rayman Origins, qui est un plateforme en 2D, c'est le même jeu qui est sorti sur les consoles de salon l'année passée. Okay. Ridge Racer Unbounded, un jeu de course arcade. Tropico 4 Modern Times, un jeu de stratégie. Et Death Road, un jeu de course futuriste. Sur Xbox 360, Capcom Digital Collection, une compilation de 8 jeux qui étaient précédemment disponibles sur le Live Arcade, mais qui est maintenant en magasin, en physique, avec un vrai disque. Country Dance All-Stars, un jeu de danse country. Ça me touche. Ridge Racer Unbounded, encore une fois, on a parlé tantôt sur PC, mais il est aussi sur Xbox et sur PlayStation 3. Tiger Woods PGA Tour 13. Un simulateur de golf, c'est aussi sur PS3. Et Warriors Orochi 3, un beat'em up. Sur Xbox Live Arcade, en ligne seulement, Wrecked Revenge Revisited, un jeu de course. En fait, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de conduite, de combat de voiture, si on veut. Et South Park Tenorman's Revenge, un jeu d'action. Sur le Sony Entertainment Network, en ligne sur la PlayStation 3, Closure, un jeu d'action plateforme en 2D. Et Wheels of Destruction World Tour, un autre jeu de combat de voiture. Sur le Sony Entertainment Network, en ligne sur la PSP, maintenant l'ancienne console portable de Sony, Idiot Squad, un puzzle. Sur Nintendo 3DS, Horses 3D, qui est le premier, ils disent eux-mêmes, le premier authentique jeu de chevaux pour la Nintendo 3DS. C'est bon, hein? Et sur DSiWare, qui est le système en ligne de la Nintendo DSi, donc l'ancienne version de la Nintendo DS... c'est ça, la I, là. 90's Pool, qui est un jeu de billard des années 90. Je sais pas si c'est parce que la musique est des années 90 ou si le billard c'est était vraiment rétro. Est-ce que ça se jouait différemment? Les bâtons étaient plus courts? Je sais pas. Pense pour, hein? C'est bizarre. Ça me calme. Et voilà pour ça, on termine avec finalement notre chiptune de la journée. On va entendre une pièce de Falling for Square. Oui, c'est bizarre, tu le diras. Et c'est la pièce Emily qui commence à l'instant dans Cynix. Ça chante là-dedans, François. Hey, j'ai hâte. T'as l'air à ça en te regardant. Trust me when I say Alors ça, laisse-moi deviner ce que tu veux dire. J'imagine que t'aurais dit ça a été une très bonne chanson, ça aurait pas été de la musique en arrière. Ça ressemble à ça. Ouais. Bang, bang. 5-4 Square avec la pièce Emily. Assemblage requis, on prend une petite pause et puis on revient avec plein d'autres choses, dont la chronique Ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Ouais. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Hey, hein, c'est un avertissement, ça, je pense. Plan inclus. Au moins, il y a de quoi d'inclus, mais c'est le plan. C'est calme, hein? Tu sais, on pourrait dire qu'il y a de la musique d'inclus. Non, c'est le plan. Non. Puis c'est un plan de quoi? C'est un plan. moi, je pense que c'est pas un plat, c'est un plat. Oh! Parce que voici ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Salut Steph! Hello! Steph! Hello! Comment ça va? Ça va bien? Bon! Parfait. En forme? Ouais! Parle-nous de ça! Oui, c'est toujours en forme! Parle-nous de ça! Mais tu nous disais un plat favori, plat comme assiette, j'imagine? Ouais! Ouais! Une assiette, c'est plate? Oh! Non! Oh! Hein? T'as pas l'air dans ton assiette? Hein? Non, ça part pas. Ah, tu trouves, là? Steph n'a pas de l'air en forme ce matin. Non, mais Steph, c'est tout à demandé par François, es-tu de bonne humeur, tu sais? Puis elle me dit, comme toujours, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, mais c'est juste que quand je parle avec toi, ma voix change un petit peu, tu sais, sur la défensive. Ben, c'est facilement son pire moment de la semaine à Steph, là. Wow. Tu sais, pogné avec François-Olivier pendant 10 minutes, là, c'est pas le fun. Écoute, la prochaine fois, je vais laisser Mathieu répondre. Bonne idée. Bon. Donc, Steph, en direct de Gatineau, tu me présentes tes coups de cœur de la semaine. De quoi tu me parles aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai deux groupes de musique. Ça fait quand même un bout de temps parce que récemment, j'écoutais surtout beaucoup de films. Mais cette semaine, j'ai découvert vraiment plusieurs groupes. Je vais parler de, premièrement, A1 Nation, qui se fait souvent comparer à Foster the People. C'est un groupe assez récent, 2010, que 5 membres. Ils ont seulement un album complet et un EP. One Direction, celle-là, là, tu me décris. Non, pas One Direction. Quoi, ouais. À ton école de radio, tu dois avoir des reportages à faire sur One Direction pas mal à tous les jours. Hein. Non, du tout. La musique plus, en tout cas, c'est de ça qu'il parle aux 3 secondes. Ah ouais, c'est applaudi, hein, solide. pas moi. Bon, excuse-moi, laisse faire. Donc, je peux parler des One Nation? S'il te plaît. OK. C'est ça. Leur EP Back From Earth est sorti en 2010. Et en 2011, ils auront sorti un album complet, Megalithic Symphony. Ils ont quand même eu des bonnes places pour jouer. Ils ont joué dans beaucoup de séries télé. Ils ont joué dans The Good Wife. Ils ont joué dans House, Sons of Anarchy, Vampire Diaries. Donc, il y a quand même plusieurs gens qui ont pu entendre le groupe sans le connaître. J'ai un peu moins aimé l'album que Foster the People. Mais leur premier single, Sale, est vraiment, vraiment écœurant. J'ai entendu ça à la radio la semaine passée, puis ça m'a pris un petit bout de temps à essayer de découvrir c'était quoi la chanson. Finalement, j'ai écrit toutes les paroles sur Google et j'ai fini par la trouver. Et elle est vraiment, vraiment écœurante. C'est ça. C'est celle-là que je vais vous faire écouter, bien sûr. Tiguidou! C'est ça. Fait que c'est ça pour A1 Nation. Ça ressemble à One Direction, excuse-moi, je reviens encore là-dessus. Mais... Ah, aussi que ça rime, toi, hein? Ah, ça, c'est fou. Fait je m'excuse, il y a un chin à la fin. Il y a un chin. Mais le début est pas One. Non, mais c'est quoi? AWOL, comme Absent While on Leave, c'est un terme d'armée, je pense. C'est ça. AWOL, AWOL, Nation. Voilà. Est-ce que tu préfères si je dis AWOL Nation? AWOL? Ouais, j'aimerais mieux ça la prochaine fois, mais fais attention, c'est tout. C'est pas. Ouais, mais la prochaine fois, je parlerai pas de ça parce que je parlerai pas deux fois de la même chose dans mes chroniques. Non, c'est ça exactement. Et la prochaine fois, on aimerait ça que tu nous parles d'une pièce de théâtre. Je pense pas. Non. Non. OK, laisse faire. Je m'excuse. C'est correct. Tu l'as vexé. Tu me déçois deuxième à chaque fois. Oui. C'est Civil Twilight, c'est un trio qui vient de l'Afrique du Sud, mais qui a déménagé aux États-Unis. Ils ont un album, non, deux albums, un qui est sorti en 2009 et un qui vient juste de sortir au mois de mars, Holy Weather. Et la pièce que je vais vous faire écouter vient de cet album-là, c'est la pièce Fire Escape. Eux aussi, ils ont vraiment ils ont pu passer dans beaucoup d'émissions. Ils ont joué aussi dans House et dans Vampire Diaries, comme à Wall Nation. Ils ont aussi joué dans Terminator, The Sarah Connor Chronicles, mais... dans Big Love, dans Jimmy Kimmel, et dans le film I Am Number 4. Il y en a plein d'autres, j'ai juste nommé ceux-là. Mais... ils ont joué dans beaucoup d'émissions. Mais eux autres, ils ont un film aussi, là, Twilight, je pense. Pas tout. Non, Brille au soleil, je pense. Après One Direction, Twilight. Arrête. Ça ne s'appelle pas du tout Twilight. Ouais, j'avoue que tu t'appelles ton nom de groupe. Tu sais, ton groupe s'appelle Civil Twilight. C'est sûr que tu vas te faire comparer à Twilight. Là. Ben, c'est bizarre. Là. Tu mets plus le mot Twilight. Il a été usé à la corde. Là, ouais, bon. C'est vrai. C'est triste. Que voulez-vous? C'est les autres les pires. Hein? C'est pas... ouais, c'est un peu ça. Moi, je dors bien le soir. Ouais, mais le groupe existe depuis 96. Mais des excuses. Twilight n'existait pas dans ce temps-là. Ouais. Il pouvait pas le savoir. En 96, il devait pas être super connu non plus. En 96, il était pas super connu, tu dis? Ben, il, ça pas. Devait pas. Fait que, tu admettes, quand tu vois qu'il sort de quoi. Change de nom. Ben. Ouais. Peut-être. En tout cas. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est tout? C'est tout. Bon. Ben, Caroline, Steph, bon choix. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est bon, toi, ça ressemble un peu à du Muse. Peu, ou vieux YouTube. En tout cas, c'est quand même bon. OK. Ouais. On va entendre les deux. On va terminer avec Civil Twilight tantôt. On va débuter ça avec AWOL Nation. AWOL. Des fois, en français, on dit wagon, tu sais, mettons. AWOL Nation. On sait pas. on te retrouve la semaine prochaine, mardi, à 7h30, Steph. Oui. Puis il reste pas grand temps. Cette session-ci, t'as fini l'école, je pense, ou bientôt, ou quelqu'un? Non, il me reste... ben, en fait, si j'inclus pas cette semaine, il me reste 3 semaines. Ah! Ben, c'est pareil pour nous autres. C'est le fun, ça. C'est le fun. Puis là, tu reviens-tu à trouver pendant l'été? Jamais. Je suis pas sûr. Peut-être pendant une fin de semaine. Hey, sinon, c'est pas grave. Hein. C'était plus par curiosité. Là, Dans le fond, t'espérais juste que je dise non, c'est ça? Ben non, arrête donc. Tu penses vraiment que je t'aime pas, mais... mais je te trouve sympathique. Ouais, ouais. Il veut faire attention si jamais t'arrives en ville, il va pouvoir savoir qu'il va devoir rester à la maison pour pas te rencontrer au centre-ville. Exactement. Je vais m'assurer de te le dire la prochaine fois que je viens à Trois-Rivières pour que tu restes enfermé chez vous. Parfait. C'est bon. Stéphanie Gagné, merci. Hey, merci, Steph. Passe une belle journée quand même. C'est difficile après ça. Hein? Ça, c'est One Direction. Hein? Hey, Walney. Ah. We'll be right back. We'll be right back. C'était Fire Escape par Civil Twilight, précédé de AWOL Nation avec Sail, les deux choix de Stéphanie Gagné dans son plat favori. Et pour accompagner le plat favori, c'est les crudités de François-Olivier Marchand. Oui, exactement. Écoute, qui dit crudité des fois de mauvais goût. OK. des petites taches brunes sur les légumes. Ça. Non, c'est ça exactement. Écoute, je te parle d'une vieille passion que j'ai, qui s'est assouvie en fin de semaine avec le WrestleMania 28, qui avait lieu à Miami, dans un stade, mon Dieu, rempli à ras-bord. 78 000 personnes. Écoute, je vais juste te dire les matchs qu'il y avait. Je vais te dire un peu les gagnants, puis je vais faire ça vite parce que je suis au courant que ça plaît pas à tout le monde. Donc, en fait, le gros match du WrestleMania 28, c'était vraiment The Rock qui affrontait John Cena. Deux vedettes internationales là, de la lutte. Reconnues, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Donc, écoute, je vous dis les résultats. The Rock a battu John Cena. Mais moi, ce n'était pas ce match-là qui m'intéressait. C'était le match Undertaker contre Triple H. Okay. Undertaker qui, d'ailleurs, pour ceux qui suivent ça, là, ils vont savoir de quoi je parle. Il y a une série de 20... Ben, c'était une série avant le WrestleMania 28. Là, il y avait une série de 19 victoires au WrestleMania. Donc, aucune défaite. Donc, affronté pour, dans un 20e combat au WrestleMania, Triple H avec comme spécial arbitre Shawn Michaels. Et tout ça dans une cage pour être sûr que personne n'interrompt le combat. OK. Donc, voilà. Donc, Undertaker a poursuivi sa série de victoires. Et puis, c'était complètement fou. Donc, voilà. Je m'arrête déjà là. C'est un match qui coûtait cher, ça, à la télé payante. Ouais, c'est ça, exactement. Ça valait 65$ pour commander ça sur la télé payante, comme tu dis. Par exemple, pour ceux qui sont un peu craqués. Débrouillard. Ouais, débrouillard, exactement. J'adore ce terme. Tu pouvais trouver un streaming sur Internet qui coûtait rien. Donc. Non, puis mais qui était difficile parce qu'il éteignait puis il fallait que tu ailles en chercher un autre. Ouais, puis... c'est ça exactement. J'ai eu... écoute, je ne me cacherai pas, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai dit dessus, mais je parlais de tes amis. Ouais, ben c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Tu fais bien le mentionner. et puis non, c'est ça, ça coupait à quelques reprises où des fois, en fait, t'en trouvais un, mais pas de son. Donc, l'important là-dedans, c'est vraiment le son, là, si tu veux savoir qui gagne. Mais tu sais, moi je me suis dit, en tout cas, c'est mon ami qui m'a fait réaliser ça. Il dit, tu sais, pour 65$, ouais. Un événement à la télé. Ça dure 3 heures, 2 heures même? Ouais, ben ça dure peut-être, non, ça dure peut-être un peu plus que ça. Okay. Peut-être 4 heures à peu près. Cher de l'heure pareil. Ben c'est ça, c'est cher de l'heure. Et puis c'est pas de trouble, tu sais. Tu fouilles sur Internet, t'as essayé de trouver quelque chose. C'est ça. C'est pas. Débrouillardise, puis tu sais, ouais, ils font ça, vraiment beaucoup trop de profit là-dessus. Hey, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hey, mais le stade, 78 000 personnes, il y avait des feux d'artifice, c'était génial, c'était beau à voir, c'était un événement. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit côté. Comment pas je pourrais l'appeler? Pas de classe. Ah, pas de classe. C'est là, correct. WrestleMania 20. Tu t'assumes là-dedans? Ah, oh, exactement. Écoute, je comprends. Je trippe ça. C'est parfait. C'est le 28 de WrestleMania. C'est quoi? C'est à chaque année, ça fait? Ouais, c'est ça, exactement. À chaque début avril. Là. C'est comme le Super Bowl. Ouais. Personne t'a un petit maillot de bain. Ouais. Ben, écoute, moi, ça me passionne parce que je l'ai écouté longtemps quand j'étais jeune. Pendant une période, j'ai arrêté complètement parce que, en fait, ça jouait plus à la télévision. Ouais. Puis j'avais pas accès à ça. Donc, mais si tu cherches de pouvoir trouver les WrestleMania 1 à 27 assez facilement sur les oh cartes. Oh oui, non, exact. Ouais. Exact. Mais tu sais, une fois que c'est passé, c'est correct. C'est faut passé. Que tu sois live dans l'ambiance du live. Bon, idéalement. Tout à fait. Donc voilà. Merci François. Ça fait plaisir. Pour continuer après les crudités de François-Olivier, c'est le dessert délicieux de Mathieu, évidemment. Et cette semaine, je me suis gâté encore une fois dans un gadget que je peux pas me permettre, là, tu sais, comme je le fais chaque quelques semaines, on dirait ces temps-ci. Chut. Ça se fait aller la petite bande magnétique. Clic, clic. je me suis acheté un Game Boy Advance SP. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. C'est quoi? C'est l'ancien Game Boy. Là. OK. Vaut cher? C'est l'avant-dernier Game Boy qui est sorti. Non, ça vaut pas cher que ça. Je me suis garni de tout ce qui allait avec le Game Boy, nouveau modèle. Et puis. T'as acheté ça, toi? J'ai acheté ça. Et puis la petite carte, là, mon ami a acheté la petite carte pour jouer illégalement. Moi, je vais évidemment tout acheter mes jeux. Évidemment. Donc tout ça en bas de genre 100$, c'est vraiment pas cher que ça. Mais bref, Game Boy Advance SP, c'est ça, c'est l'avant-dernier système de Game Boy qui est sorti avant les systèmes Nintendo DS et Nintendo 3DS. Là. Donc si on retourne en arrière, avant la 3DS, il y a eu la DS. Avant la DS, il y a eu le Game Boy Micro qui était beaucoup trop petit pour moi. Et puis avant ça, il y a eu le Game Boy Advance SP. Et à la fin de l'histoire de la Game Boy Advance SP, ils ont sorti un modèle spécial en même temps que le Micro. Le Micro, c'était vraiment tout petit là, dans tes mains, là, tout minuscule. Mais en même temps que ça, c'était en magasin, ils ont sorti un meilleur écran pour le Game Boy Advance SP. Parce que la plupart des gens ont essayé du Game Boy Advance SP, qui, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est là, celui qui flippe, là, qui est comme un téléphone. Ah oh, ouais, c'est ça, exactement. Carré, un carré, peu plus. Carré, exact. Donc, ceux qui ont joué à ça ont sûrement trouvé que l'écran était très, très sombre. Mais comme j'ai à la fin de sa vie, ils ont sorti le modèle AGS 101. Donc, si vous voulez magasiner ça sur eBay ou dans les magasins, cherchez le modèle AGS 101. L'écran est beaucoup plus brillant parce que c'est un écran backlit. Donc, la lumière vient d'en arrière de l'écran à la place de par en avant. Okay. Okay, donc, ça éclaire beaucoup mieux. L'image est parfaite. Et puis, c'est ça, il y a un petit bouton sur le devant qui change la luminosité de très bonne à encore extrêmement meilleure. T'sais. Et même le setting le plus bas du AGS 101 est, bon. Est plus lumineux que le plus Hello. Élevé de l'ancien. Donc pour ça, ça vaut la peine de le chercher. Mais comme je dis, il est sorti à la fin, donc il n'y en a pas tant que ça comparé au modèle normal, qui est le AGS 001. Vous pouvez le trouver sur eBay, comme je disais, en 60-70$ avec shipping inclus des fois. C'est ce que tu as fait sur eBay? C'est ce que j'ai fait exactement. Je l'ai acheté ce qu'il appelle refurbished, mais as new, dans le sens que le gars a fait un genre de changement. Il a pris un modèle de l'ancien modèle. Dans le fond, il a pris le casing de l'ancien modèle, puis il a mis le nouvel écran dedans. Donc, c'est une couleur qui n'était pas disponible en tant que telle dans le modèle d'écran dont je vous parle là. Donc, il faut magasiner, il faut se renseigner. En tant que tel, le AGS 101, il a sorti en bleu très pâle, en rose très pâle et en genre de gris. Okay. Moi, j'ai préféré acheter le modèle noir fait par quelqu'un custom. Et pour aller avec ça, j'ai acheté la Easy Flash 4 Flash Card. Mon ami a acheté la Easy 4 Flash Card. C'est pour mettre des jeux, là. C'est ça, c'est pour mettre des jeux. Tu vas les downloader? Exactement, ce qu'on appelle des ROM. Et là, je vous dirai pas où aller chercher ça. Et je vais certainement pas mettre un lien vers ça sur la page assemblagerequis.com. Évidemment, dans les notes de l'émission du mardi 3 avril, je ferai pas ça. Donc, on peut mettre ces jeux là-dessus. Et il faut prendre une carte de 2 gigs ou moins parce qu'à ce moment-là, la technologie n'était pas rendue aux 4 gigs et plus pour les cartes SD, là. Un micro SD. Donc, c'est ça, ça fonctionne super bien. Il faut chercher un guide, par contre, parce que ça vient pas avec un livre d'instruction et c'est quand même assez complexe. Il faut patcher les jeux pour les mettre sur la carte. Là. Mais je vous ai certainement pas passé tous ces liens-là sur le site. Et puis, c'est certainement pas ce que je fais à tous les jours en ce moment parce que je trippe bien comme faut. Tu sais, les gens me demandent pourquoi t'achètes un Game Boy Advance SP. C'est l'ancien, ancien, ancien, puis t'as déjà un 3DS, tu sais. Ouais, question. Puis t'as une PSP Vita, là. C'est ça, exactement. Donc, pourquoi acheter ça? Ben, je te réponds, parce que la 3DS, depuis la DS i... Les jeux faites pas là-dessus. Les jeux de Game Boy Advance n'entrent pas. Avant, sur la Nintendo DS première du nom, tu pouvais mettre une carte de Game Boy Advance et même ça si... Ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Et même si t'avais acheté des jeux pirates, tu pouvais les faire fonctionner natif sur ta console comme ça devrait. Alors que depuis le DS i, il y a pas la slot, donc il y a pas l'émulateur de Game Boy Advance dedans. Ben, il y a pas le natif, le processeur natif de la Game Boy Advance. Donc, ils sont obligés d'émuler de faire comme si c'était un Game Boy Advance, ce qui fait que ça roule beaucoup moins bien. Ça lag, tu vois des genres de fantômes de ton personnage. Oh ouais. La musique est pas super bonne. Ça dépend des jeux. Donc, je préférais jouer à un jeu de Game Boy Advance, qui est ma console préférée pour jouer. Sur la console originale, c'est bien meilleur comme ça. Et puis, cette carte-là, la Easy Flash 4 Advance, là, joue des jeux de Super Nintendo aussi. Parce que la 3DS, quand tu le fais avec l'émulateur et la petite carte, fonctionne beaucoup moins bien aussi. Oh. Donc, que des avantages pour moi là-dessus. Si vous aimez les jeux rétro, c'est vraiment la console à acheter portable, évidemment, pour ceux qui aiment les jeux vidéo portables et les jeux vidéo rétro. C'est peut-être pas beaucoup de monde tant que ça, mais plus que vous pensez. Il y a même un nouveau magazine rétro qui vient de sortir, qu'il va falloir que je me procure. Un magazine? Oh oui, un magazine, parce que les jeux rétro, c'est un monde à part entière. Hein? Voilà. Et ça me fait plaisir de vous renseigner si jamais vous ne connaissiez pas au moins le modèle d'écran AGS 101 et la carte Easy Flash 4 Advance. C'était très geek tout ça, mais c'est tout. C'est terminé. J'arrête. Je pourrais continuer. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. On remercie Stéphanie Gagné pour sa chronique, ton plat favori, toi pour tes crudités et moi pour mon dessert. Tout à fait. Voilà. On termine cette première heure de l'émission ici, François. On va se retrouver tantôt avec plein de bonnes choses dans la deuxième heure. On pourrait faire un petit survol rapide de ce qui s'en vient. Marie-Pierre Laforge-Bourret à la fin de l'émission. Oui, ça c'est vers 8h30. On va nous parler de littérature, d'un livre. Exact. On va faire le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus aussi. Oui, exactement. Et puis la chronique, c'est un fait. Fantastique. Hey, c'est-tu pas merveilleux, ça? Ben, OK. Hey, pour l'instant, c'est l'Info Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi 3 avril 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. C'est Mathieu Plombe. Ça dépend des jours lesquels que je fais la liaison, hein. Ouais. Des fois, j'ai dit, la plupart du temps, j'ai 1er avril, tu sais. 2 avril, 2 avril, c'est bizarre, t'sais. 3 avril, c'est bizarre, t'sais. Ça dépend lesquels. Tantôt, le tour du Zone Campus avec en vedette les gars des l'équipe de soccer masculin des Patriotes. Ouais, qui font la première page. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais avant ça, voici Fanny Bloom. Respirez la fumée. On adore. Respirer la fumée. On aime ça. On aime ça. Hey, tantôt, on va entendre. Vous connaissez tout? Oui. Du numéro? Oui. Tantôt? Oui. Mais avant ça, on doit parler du plus récent numéro d'une chose avec du papier, là. Puis, le journal. Un journal, c'est ça? C'est comme. Zone, non? Campus? T'es sûr? Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Petite Puce? Zone quoi? Zone petite puce. Petite puce. Une petite puce. Une petite puce. Bon. Donc, Zone Campus en magasin ou en kiosque du 2 au 15 avril 2012. En couverture, on retrouve les gars de soccer masculin. Ils sont champions pour une deuxième saison. On en parlera en sport tantôt. Exactement. On va aller dans l'ordre, on va commencer par les actualités. On revient sur le passage remarqué d'Amir Kadir aux journées de Tribune Libre, aux événements Tribune Libre de la Chasse-Garrie. Et puis, en fait, là, une petite parenthèse ici. Là. Oui. Prochaine Tribune Libre qui va se dérouler, je pense, le 11 avril. Attends un peu, là, j'essaie de vérifier en même temps pour vous dire n'importe quoi. Exactement, c'est ça, le 11 avril, à partir de 11h30, Denis Coderre sera à la Chasse-Galerie. Notre ami Simon Fitzbé sera là, c'est ça? Ah, ouais, je vois aussi, je pense. Je vois, il faut que je serre la main. Cool. Ouais. Super. Denis Coderre. On revient aussi sur l'événement 5 jours pour l'itinérance. Tu sais, c'est les 5 étudiants qui étaient devant l'université. Oui, exactement. Qui vivaient comme des sans-abri. Ils ont ramassé 2 000 $ pour le Havre de Trois-Rivières. On parle de la fin de la grève générale illimitée. On dit que tout est de retour à la normale. Je pense que ça, la nouvelle est passée depuis un petit bout, mais c'est quand même intéressant à lire. La SK est ressuscitée, oui. Les deux qui s'étaient séparés. Se sont réconciliés. Se sont réconciliés. Donc voilà, la SK est de retour. On voit même leur logo tapé sur la photo dans son campus. C'est joli, hein? Ouais, exactement. On parle bien sûr de Marc Périard qui a plaidé coupable la semaine passée au chef d'accusation de fraude dans le dossier de C'est fou sur le campus. Ouais, tout à fait. Ça, je pense que ça vaut la peine d'être dit aussi. L'UQTR remporte les honneurs à la simulation boursière interuniversitaire HEC Montréal. C'est cool, ça. Oui. C'est un beau prix. Félicitations. Le texte de Simon Fitzbé en pleine face s'appelle, en fait, une grève démocratique. Il est un petit peu contre le fait que le vote de reconduction de grève a eu lieu sur Internet à la place d'en personne. Une conférence du co-réalisateur de Survivre au progrès, Mathieu Roy, dénonce. On a aussi l'ensemble vocal de l'UQTR, 25 ans, ça se fête. Et en opinion, je vais te laisser faire ça comme si ça faisait partie de société, François. Oui, opinion, en fait, là, c'est deux textes qui parlent de la hausse des frais de scolarité. Tu sais, en fait, tout le débat avec les frais de scolarité ici, ouais, à l'UQTR. Donc, voilà. Ça, c'est pour les lettres d'opinion. Côté société, on a Sébastien Dulude qui nous parle de l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Lui aussi, je pense, aimerait se faire poursuivre. Oui, et sur le campus en général. Son texte va être dans la prochaine édition du mardi d'Assemblage Requis, donc la semaine prochaine. Oui, on va pouvoir l'entendre, ça, voilà. Directement à la radio. Fantastique. Et puis, un peu plus bas, on a Jean-François Veilleux qui nous parle de la hausse des frais de scolarité aussi. Voilà. Du côté de société, évidemment, on a le fantasque et on a les jeux aussi. Évidemment. En arrêt spectacle maintenant, dernier match du calendrier régulier pour la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. L'équipe des Oranges a remporté la victoire lors de ce dernier match de la saison régulière de la Luître. Marie-Christine Lance se mérite la première place du QTR en spectacle. Et puis, deuxième position, c'est Benjamin Lavallée. L'exposition d'art visuel carrément inutile, absolument essentielle, qui se déroule. Où est la date? Je pense que c'est pas assez, finalement, s'il n'y a pas de date. Hein? Je sais pas, c'est pas clair. Sortie d'album, le nouveau de Dumas, bien sûr, on en fait un petit peu la critique. Suggestion de lecture des nouveautés au Sabord. La comédicale, si vous voulez raccourcir ça. La Mélodie du bonheur, par Denise Filiatro. La tournée Jouer dans le trafic, plein feu sur les talents d'ici. Et la critique de l'album d'Alex Nevsky. On a aussi une nouvelle exposition à Trois-Rivières pour Frédéric Guichard et Chantal Bertium. C'est au centre d'exposition Raymond Lagnier jusqu'au 22 avril. Ça, tu vois, ça, c'est clair. Spectacle de Pierre Hébert, l'art de faire rire. C'est Audrey Tremblay qui signe cet article-là et ça termine la section art et spectacle. Et du côté des sports, évidemment, on parle de la victoire des Patriotes soccer masculins qui ont gagné d'ailleurs le championnat. Donc, ils sont champions pour une deuxième saison consécutive. Donc, voilà. Bah, par exemple, un peu plus loin, on parle des Patriotes soccer féminins. Eux autres n'ont pas eu le même sort. Par exemple, se sont rendus en finale et ils ont dû s'incliner. Donc voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, ouais, c'est ça exactement. C'est ça le sport. Voilà. On parle aussi des cheerleading qui ont fini au 5e rang. Sur 6, je crois. Oui, sur 6. Malheureusement. C'est ça. On parle aussi, il y a la chronique de Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Il nous parle des blessures sportives, donc c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. On parle aussi des candidatures pour le 40e mérite sportif de l'UQTR qui aura lieu le 12 avril prochain avec toutes les candidatures. Donc ça, c'est le fun d'avoir ça sous la main. Voilà. Et puis on parle évidemment des Patriotes hockey qui ont dû s'incliner, qui ont été éliminés du championnat canadien en 2 matchs. Et médaille d'argent pour les Patriotes au volleyball féminin. Quel beau numéro du Zone Campus. En kiosque du 2 au 15 avril 2012. Et c'était l'avant-dernier. Oui, il n'en reste qu'un seul après celui-là. Donc surveillez-le en kiosque à partir du 16 avril. On vous tiendra au courant ici à Assemblage Requis. Et je vous rappelle encore une fois d'écouter la chronique de Sébastien Dulude qui est dans Zone Campus. Elle va être à la radio mardi prochain à 8h30. Pour l'instant, François, on transitionne d'une façon toujours des plus subtiles. Parce que des fois, dans la vie, une pièce, c'est pas assez. Hein? Ouais. Ouais. Fait que, ça, moi, c'est vrai. Je dirais plus deux fois. Deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. Je réalise qu'en expliquant, j'ai déjà pas mal compris la fonctionnalité et les spécifications de cette chronique-là. Facile. C'est facile quand même, c'est évidemment... Ça prend un groupe de musique okay. avec un numéro, ou ça rapporte avec les numéros. OK. Donc c'est pour ça le 2. Ouais. Mmh. Puis c'est ça, là, en fait, là, après ça, tu mélanges ça ensemble, puis ça va donner ce que ça va donner. C'est ça, puis potentiellement, tu sais, chacun des membres du groupe devrait avoir au moins deux membres, j'imagine. Donc, ouais, si ben, on pourrait minimum... faire jouer, mettons, Martin Deschamps, serait... Ben, tu peux. On pourrait, parce ben, que... Ben, les membres, ça compte les jambes aussi. C'est ça, exactement. Ça pourrait être ça. Ouais. On écoute numéro. Voici Tonton Klaxon et Tout est parfait. C'était notre meilleur, ça, je pense. Pas pire. Hey, le chat de Jasmine Raymond-Réville s'appelle Martin Deschats. Deschats? C'est écœurant. Yeah. voyage dans le vide, un essaim sur la peau, 100% à la vie, mais non, moi jamais mort. Dans mes mains le futur et des algues cyborgs, tout est parfait. Jamais tombé, plus le temps d'avoir mal. Si la vie m'a menti, oui, je m'approcherai du diable. Dans mes mains futures et des âmes si dans le bloc qui était deux fois. Oui, c'est vrai. Oh, j'oublie tout le temps, c'est vrai. Avec la pièce Tout est parfait, d'ailleurs. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette pièce-là. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça fait du bien, un matin. Oui, oui. C'est bon. Donc, deux pièces de numéro sur leur album. Sport de combat. Sport de combat. Sport de combat. Voilà pour ça, on va continuer avec du Galaxy pour l'instant. On va l'entendre ça dans quelques secondes. Le temps de vous dire que Marie-Pierre Laforge-Bourret s'en vient tantôt. Oui. Avec sa chronique Ça fait longtemps qu'on l'a vu ici. Un mois. On l'entend. À chaque demi-heure, oui. Mais on la voit pas. Non. Est-ce qu'elle existe vraiment? Je sais pas. Sera-t-elle vraiment là? Sera-t-elle comme certaines autres personnes dans la vie qu'on sait jamais quand ils vont être là? Je ne sais pas. On sait jamais. Galaxy, voici Entre la lumière et le bruit au 89 FM. C'est Assemblage Rock. Restez là, au retour, c'est la chronique littéraire de Marie-Pierre Lafourcq-Bourret à Assemblagerie. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le plan de demain à assemblage requis. Jasmine Raymond-Dréville nous compte des comptines. Dans cette nouvelle chronique, on parle des prochaines activités de la GEQTR avec Anne-Julie Durocher et on s'informe sur des choses importantes dans C'est un fait. Soyez ici demain à 7h à Assemblagerie. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. C'est cette voix-là qu'on entend assez régulièrement. C'est fou, Assemblage requis, mais celle qui l'a fait, là, elle a une chronique ici. T'sais. Oui. C'est dur à croire, mais... Ah oui. Hein, c'est vrai. C'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Oh, oh. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Mais hein, ça fait une éternité. Bon matin, tout le monde. Un mois? À peu près, oui, parce qu'il y avait la semaine de travaux et d'études ou de relâche, là, on sait pas trop. Puis j'ai pas pu venir l'autre semaine d'après, fait que là, je suis là, hein? Oui, la grève aussi, puis tout ça, ces affaires-là aussi. Oui, c'est mouvementé, tout ça, à l'école. Donc, Marie-Pierre, tu nous fais une chronique littéraire comme ça. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu avais un sujet étrange ou bizarre ou spécial. Oui, mais juste avant de parler de mon livre, j'ai une petite j'ai une petite surprise pour les auditeurs. Okay. Si vous avez rien à faire ce soir, donc le mardi le 3 avril, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il y a ce soir, au 10-12 de l'UQTR, dans le pavillon Néré-Beauchemin, c'est la revue musicale Cinética. Donc, Cinética, c'est le spectacle monté par la troupe Millennium, qui est la troupe de danse montée par un étudiant de l'UQTR, Philippe Boulian. Et lui a monté cette troupe de danse-là l'année passée. Et l'année passée, ils ont présenté un spectacle en danse et en chanson. Et cette année, c'est la même chose, c'est ce soir. Et cette année, c'est une odyssée à travers la musique des plus grands films. Okay. Donc, on va avoir droit à de la musique à partir des années 50, donc Singing in the Rain, jusqu'à aujourd'hui. Entre autres, La Panthère Rose, Grease, Le Roi Lion, Harry Potter, Dirty Dancing, Moulin Rouge, Step Up, Le Seigneur des Anneaux. Donc, très, très varié. C'est cool, ça. Il va y avoir sur scène 18 danseurs, 9 chanteurs. Donc, les 9 chanteurs qui vont chanter du début du spectacle jusqu'à la toute fin. Ça risque d'être très impressionnant parce que, bon, 18 danseurs, 9 chanteurs, c'est des personnes qui ont pratiqué pendant toute l'année. Pour pouvoir présenter ce spectacle-là ce soir. Et leur niveau, c'est semi-professionnel, donc presque professionnel. Donc, ça risque d'être très, très impressionnant. Et on nous dit que ça va être un spectacle haut en couleur, en émotion, en fougue, délire et énergie. Et sur scène, donc, 18 danseurs, 9 chanteurs, une centaine de costumes. Donc, rien de moins. C'est un gros spectacle à l'UQTR. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Et ce matin, j'ai des billets à faire tirer. Oui. J'ai une paire de billets à faire tirer pour ce soir. Donc, le 3 avril 2012. Ah! Bien de préciser, au cas où vous écouteriez l'année prochaine. Et ça, ça commence à quelle heure? C'est à 20h30. OK. Donc, vous allez avoir votre paire de billets. Pour les récupérer, vous pouvez passer au bureau de C'est fou aujourd'hui. Ouais. On va vous donner le numéro de téléphone pour appeler à la fin de la chronique, étant donné qu'on ne peut pas répondre en même temps qu'on fait la chronique, mais prenez le numéro en note, 819-376-5183. On vous le rementionnera à la fin de la chronique. Ou si vous voulez écrire sur Assemblage requis... Sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook d'Assemblage requis pour réserver vos billets. Marie-Pierre est tout le temps sur la page Facebook d'Assemblage requis, à part sa journée là-dessus. C'est normal. Tout le temps. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, allez voir sur Facebook. C'est la troupe Millennium. Donc, vous tapez la troupe Millennium dans la recherche et vous allez avoir plus d'informations sur le spectacle. C'est 15$ en pré-vente. Et si vous voulez réserver un billet, c'est Philippe, P-H-I-L-I-P-P-E, Boulian, B-O-U-L-I-A-N-N-E, à commercial@hotmail.com. Et si jamais vous ne pouvez pas venir ce soir, vous vous dites « Oh non, je ne peux pas venir ce soir, j'ai déjà quelque chose, quoi faire? » Il y a une autre présentation jeudi. Voilà.

disais sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre, je ne frissonne pas. L'étage d'en dessous flambe maintenant, je suis lucide. On a créé un monstre à assemblage requis. Maintenant, pour terminer l'émission en beauté, là, on va se faire une petite chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Toujours avec François-Louis Marchand et Marie-Pierre Lafourche-Bourret en studio. Oui. Pour commenter. Allons-y avec le premier. Plus de 50%, donc ça c'est environ, je dirais peut-être la moitié maintenant, des koalas. Pas mal ça, sont hein, 50%. À peu près, en plus ou moins. Ont la chlamydia. Oh! Quand même! Oh, ouais. Ça veut dire, faites rien avec un koala sans vous protéger. S'il vous plaît. C'est beaucoup? C'est presque la moitié. Ouais, ouais. La sirène dans le logo de Starbucks, à l'origine, avait la poitrine à l'air. Non. Tu sais, t'as une fille dans le logo de Starbucks qu'on voit sur les tasses, les... Ouais. Sacrilège. Sacrilège. Ils ont dû les couvrir de cheveux en 1987. Mais la chose intéressante, c'est qu'il y a encore une place où on peut voir l'ancien logo. C'est au premier Starbucks qui est ouvert sur Pike Street à Seattle. Oh. Ça vous tente de passer à Seattle, voir des seins nus, là. Bon voyage, tout le monde. Einstein, peu importe comment vous voulez l'appeler, Rammstein, certains l'appellent, n'a jamais appris à conduire. Tu sais, un génie, là. Ouais. Qui sait pas conduire, tu sais. Ben, il met ses énergies ailleurs. Comme moi. Hein, j'ai pas de permis de conduire, moi. C'est quoi, je suis un génie? Probable. C'est ce que les gens disent. Wow. Aux États-Unis, 5% des hommes fiancés portent ce qu'on appelle en anglais une mangagement ring. Tu sais, en anglais, pour une bague de fiançailles, c'est engagement. T'sais? Engagement. Là, ça, c'est une mangagement. Donc, 5% des hommes fiancés aux États-Unis portent une bague de fiançailles. 5%, c'est pas beaucoup. Selon un sondage très important, 74% des enfants américains disent que les lapins en chocolat devraient être mangés les oreilles en premier. Oh ouais. Les oreilles en premier. C'est logique, là. On s'entend qu'on commence tous par les oreilles. Oh ouais, c'est vrai. 74%, c'est presque, là, littéralement, presque le trois quarts. Ouais. Il me semble, moi, j'aurais dit 90% facilement. Qui commence par les pieds ou par, genre, le ventre, tu sais? Ça n'a pas rapport. Je sais pas, moi, quand j'étais jeune, je voulais garder la tête en dernier, tu sais, parce que tu vois le bonhomme, puis il est beau, puis... Non, cruel. Moi, je pense... Ouais. De quoi cruel? Ben là. T'sais. C'est pire les oreilles, tu ne peux plus rien entendre. Commence par la tête, hey. Tu souffres pas, tu sais. C'est ça, au moins, il est pas conscient. Ouf, comme vous voulez. C'est plus toi qui est spécial. L'alectorophobie, devinez c'est quoi l'alectorophobie? La peur de la lecture. De lire, les deux ont dit la même chose, non? C'est la peur des poulets. Ah. Ouais, ah. Ben. Il y a un bâtiment, un bureau, une tour à bureau à Fukushima au Japon qui a une autoroute qui passe au travers. C'est vrai, c'est une bâtisse au centre-ville de Osaka, au Japon, qui a été terminée en 1992. Il y a 16 étages au-dessus du sol et 2 étages sous le sol. L'autoroute passe entre le 5e et le 7e étage de la bâtisse. Donc, l'ascenseur n'arrête pas entre ces étages-là. Elle passe directement du 4e au 8e étage. C'est rendu possible, ça, grâce à un contrat, là, je ne sais pas, qui était fait. Là. Les deux avaient des permis différents. En 1989, on a modifié les lois disant qu'on avait le droit de faire un multi-level road system. Donc, la raison, c'est qu'il y avait deux permis, comme on disait, de deux groupes différents, qui avaient le droit de faire des choses différentes. Donc, un avait le permis pour construire une bâtisse sur ce territoire-là, et l'autre avait un permis pour faire une autoroute. Ils ont décidé de négocier et d'avoir cette alternative-là. Donc, c'est vraiment, vous pouvez voir la photo sur assemblagerequis.com de l'autoroute qui passe à travers la bâtisse. Mais ça, je pense que je l'ai déjà vu, cette photo-là, quelque part. C'est impressionnant. C'est quelque chose. Imagine, tu prends l'ascenseur à côté de l'autoroute, là. C'est comme assez bizarre. Ouais. Tu sais? Je sais pas s'il y a des vitres dedans pour voir tout ça passer, parce qu'on voit pas l'intérieur de la bâtisse. Moi, j'aimerais surtout voir l'intérieur plus que l'extérieur. Je trouve ça intriguant. Contrairement à ce qu'on a appris à la garderie, où je sais pas jusqu'à quel moment de la vie on dessine des petits dessins cute, là, avec un petit soleil, une petite maison, une petite famille, du gazon, on dessine toujours le soleil jaune, tu sais. Le soleil vraiment est blanc. Oh ouais. Ouais. C'est l'atmosphère de notre planète, l'atmosphère autour qui détermine, dans le fond, qui nous donne l'apparence d'avoir un soleil jaune. Les étoiles ont aussi des couleurs différentes dépendant à quel moment de leur cycle de vie elles sont rendues et à quelle température elles brûlent. Donc, les étoiles qui sont relativement froides sont à 3500 Kelvin et vont être rouges. Les étoiles qui sont vraiment chaudes vont être à au-dessus de 10 000 Kelvin et ça va être bleu. Et notre soleil brûle à environ 6 000 degrés Kelvin, ce qui veut dire que c'est seulement blanc. C'est le plus puissant. Hein? C'est le plus puissant. Non, pas le plus puissant, parce qu'il y a des étoiles qui sont à 10 000 Kelvin. Ah, okay. Oh ouais? Ouais, donc non, c'est pas le plus puissant. Tu nous cachais ça. Exact. Un des meilleurs violonistes du monde a performé undercover, et non pas under pressure. Dans le métro? Dans un métro. Ouais, ouais, vous saviez ça? Moi, oui, j'en ai entendu parler. Bon, c'est cool, ça, par exemple. Puis oui. Le monde, tu sais, il avait l'air un peu sans-abri. Exact. Le monde passait à côté sans de rien. Puis, quoi, la veille où il avait rempli une salle? Genre quelque chose comme 200$ le billet, c'est ou fou, quelque chose comme c'est ça. Fou. On va dire les vrais détails. Il s'appelle Joshua Bell. Il a performé devant environ 1100 personnes. Seulement 30 ont arrêté pour l'écouter. C'est des billets qui coûtent environ 100$ d'habitude. Et puis, il dit que d'habitude, il n'aime pas quand les gens font sonner leur téléphone cellulaire dans une pièce. Mais là, n'importe quelle attention, dont le téléphone cellulaire des gens devant lui, ça ne le dérangeait pas du tout. Il dit qu'il a fait 32$ et 17 cents pour 43 minutes et puis normalement ça aurait coûté 1000$ l'heure environ pour une performance. Donc voilà, c'est ça. Mais 32$? 32$, 12$. Le monde sont trop pressés, hein? Et oui, ils vivent leur vie. C'est normal en même temps. Ils jouaient des pièces classiques mais pas trop reconnaissables. C'est de la musique classique mais pas des gros hits, là, tu sais. Et son violon, je pense qu'il valait de quoi comme un affaire de fou, là? Je sais pas. J'ai pas ce détail-là. Mais bon. Dans l'eau. Si on met dans l'eau une canette de Coke Diet, ça flotte, alors qu'une canette de Coke normale, ça va couler. C'est vrai. C'est le sucre artificiel dans du Coke Diet qui est des centaines de fois plus sucré par volume ou par unité de volume que du sucre régulier. Par contre, on dit que le sucre dans le Coke normal est plus dense, ce qui veut dire que ça va, comme on disait, caler. Le Coke régulier contient environ 11 cuillerées à thé de sucre par canette, alors qu'en moyenne, les Américains vont... avaler 10,8 livres de sucre par personne chaque année juste en buvant du Coca-Cola. C'est beaucoup. On dit que la marque Coca-Cola vaut plus d'argent que Budweiser, Pepsi, Starbucks et Red Bull combinés ensemble. Mais en même temps, Coca-Cola font aussi des bouteilles d'eau, ils font des toutes sortes de choses. Là, plusieurs produits, ils Sprite, plein de sortes de liqueurs aussi. Mais de l'eau, des jus aussi, Fruitopia, je crois que c'est Coke. Si chaque goutte de Coke produite dans la vie était mise dans des bouteilles de 8 onces et qu'on les mettait bout à bout, on pourrait se rendre à la Lune et revenir 2000 fois. Ouais. Coca-Cola qui dépense plus d'argent sur la publicité que Microsoft et Apple mis ensemble. Mm. Et on dit, pour terminer sur Coke, que le Mexicain moyen boit plus de Coke que l'Américain moyen, les Britanniques moyens, les Indiens ou les gens en Inde moyens et les Chinois mis ensemble. Ça, c'est une personne au Mexique. Genre les Mexiques les Mexicains au complet qui... ouais, c'est quelque chose. Le terrain utilisé par les terrains de golf, dont dans le fond, si on regarde la superficie des terrains de golf aux États-Unis, en Amérique, c'est plus que le Rhode Island et le Delaware combinés. Donc ça, c'est le Golf Course Superintendents of America Group qui estime qu'il y a 2 244 512 acres de terrain de golf aux États-Unis. Et ça, c'est environ, environ 3 507 000 carrés de terre. On dit que le Rhode Island fait 1 040 000 carrés et le Delaware fait 1 950 000 carrés. On pourrait donc mettre 2 Rhode Island et 1 Delaware dans tous les terrains de golf des États-Unis. On estime que le nombre de terrains de golf aux États-Unis est d'environ 18 000 terrains. De nombre de terrains. Et on parle de plus en plus de l'impact environnemental de ces terrains de golf-là. Par exemple, ça consomme beaucoup d'eau. Les Nations Unies estiment que les terrains de golf consomment environ 2,5 milliards. Faut que ce soit beau, le gazon des terrains de golf. Mais t'imagines, 2,5 milliards de gallons d'eau par jour! Puis en même temps, c'est de raser des endroits pour pouvoir mettre des terrains de golf ici. Là, mettre des arbres à terre, etc. Quand tu sais qu'il y en a 18 000, c'est beaucoup, il me semble. Exactement. Aussi, on utilise des pesticides et des fertilisants sur ces terrains-là. Et puis, on utilise beaucoup d'eau, beaucoup de choses comme ça. Ils sont de plus en plus gros hein, parce que les technologies avancent et font que les gens peuvent frapper des balles encore plus loin qu'avant. Donc, avant, on estimait qu'un terrain de 7500 verges, c'était gigantesque. Et bien, maintenant, c'est plus rare du tout. Voilà. Donc, pour les terrains de golf. Saviez-vous que les dolphins... Les dolphins. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les dauphins se donnent des noms eux-mêmes. Ah ouais. Ils sont certains des mammifères les plus intelligents de la planète, si on le savait déjà. Ils sont capables de faire plein de choses. Et on a découvert récemment que les dauphins développaient leur propre sifflotement, si on veut. Comment dire? Leur propre... En tout cas. Ils ont chacun leur voix. Leur langage. Ben, en fait, leur langage, oui, mais c'est que les scientifiques ont même utilisé des ordinateurs pour essayer de changer le ton de ces sifflements-là. Et puis les dauphins ont quand même réagi à leur nom, même si on modifiait le ton, même l'aigu, le grave de ce ton-là. Ils se reconnaissaient quand même. Et puis, ça, ils disent que il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire ça, pas juste les dauphins. C'est juste qu'on les a pas encore découverts nécessairement tous. Les animaux qui peuvent faire ça, ça prépare leur petit nom. Il y a une ville en Italie qui ne reçoit pas de soleil pendant 84 jours par année. Boy. Ils ont résolu ce problème-là d'une façon originale. Attends, je comprends pas. Ils ont pas le soleil pendant... À cause d'une montagne. C'est une petite ville qui s'appelle Viganella, qui est du côté italien des Alpes. Et pendant l'hiver, le soleil change de façon de bouger. Et bref, il y a une montagne de 1600 pieds de haut qui vient cacher ça pendant les 84 jours, cacher le mouvement du soleil pendant ces 84 jours-là. Donc, les gens de cette ville-là souffrent de Seasonal Affective Disorder, le syndrome qu'on a l'hiver ou quand il fait moins beau, là, une genre de petite dépression. Et pour résoudre ça, le gouvernement a installé un miroir massif sur le côté de la montagne. Il mesure 26 par 16 pieds et c'est contrôlé par ordinateur. Ce miroir-là va suivre la trajectoire du soleil et le résultat, c'est que depuis 2006, la ville est capable de célébrer le premier soleil d'hiver depuis 600 ans. Wow! Eh bien! Et finalement, les humains peuvent être empoisonnés par le chocolat exactement comme les chiens. Tu sais, on se demande tout le temps, tu sais, ben, en fait, on sait tous que les chiens peuvent être empoisonnés par le chocolat. Faut pas nourrir le chocolat, votre non, chien. C'est ça. Mais bref, ça existe chez les humains aussi. C'est l'empoisonnement par chocolat, ce qu'on appelle l'empoisonnement par théobromine. C'est une réaction à la... c'est de l'alcaloïde théobromine qu'on trouve dans le chocolat, le thé et même la liqueur, le cola. Le cacao, bref, contient 1,2% de théobromine en général. On dit que les humains peuvent le consommer complètement normalement, mais si on en mange trop, on a une très bonne chance de se faire empoisonner. Les chiens sont les victimes les plus communes de ça. Et puis, on dit que les vieilles personnes aussi, les personnes âgées, souffrent souvent de ça parce que leur estomac ne peut pas défaire le théobromine dont on parlait tantôt. Et les symptômes, si on s'empoisonne à ça, c'est la nausée, on vomit, on a de la diarrhée, segment interne. C'est le fun. Attaque cardiaque et éventuellement la mort. Quand tu te rends à la mort en mangeant du chocolat, c'est parce que t'en as trop mangé. Ou ben comme les personnes âgées, des fois tu peux juste pas, tu sais, t'en manges peut-être juste quelques morceaux et puis ton corps est vraiment pas capable de digérer ça. Peut-être que ça peut causer la mort aussi, je sais pas. Ça fait quasiment peur. Je vais continuer d'en manger. Ouais, moi aussi. C'est pas ça qui va m'empêcher. Si je meurs par chocolat, je vais dire que c'est la meilleure mort ever. Tu sais pas? Non? Il me semble. Mourir par. Non? Je sais pas. Peut-être que tu souffres un peu, mais c'est une belle façon de mourir. Tu dois pas te sentir bien. Là. Non, sûrement pas. Oh, tu dois pas te sentir bien. Mais bon, voilà pour la chronique. C'est un fait pour aujourd'hui. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On va terminer l'émission aussi en même temps, tant qu'à être là et terminer des choses. Ça. Tant qu'à faire des fins comme ça. On va se dire à demain, entre 7h et 9h, à Assemblage requis, une autre toute nouvelle édition. Et demain, on va avoir la nouvelle chronique de Jasmine Raymond-Drainville, les comptines de Jasmine. Comptines. Elle faisait ça au palmarès dans le temps. Là, on amène ça en plein prime time. Oh! Au mercredi matin à 7h30, tu sais. Ça va vous réveiller avec ça de la bonne musique. Exactement. Ça. Et on reçoit aussi Angélie Durocher qui va nous parler de la GEQTR. Oui, les activités à venir de ça. Et puis, on va avoir quoi d'autre? On va avoir la nouvelle chronique de David Ferron. Oui, l'animateur, ça va aller 8h30? Oui, 8h30 en fin d'émission demain. Sinon, restez sur nos ondes ce mardi matin pour le dîner de cons à 11h. Ensuite, c'est Connaître ensemble à 13h pour tout savoir sur la périnatalité. Parlant de David Ferron, il anime La langue dans ton oreille à partir de 14h. À 16h, les rediffusions du Voyage des Célites et de l'album classique. Et pour terminer, à 19h, c'est du métal et de l'horreur avec réanimation. Passez par le CIF.ca pour la programmation complète et par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On va se quitter avec la pièce Talent de nos amis d'Avec Podcast. Le temps de remercier Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oh, oui, merci beaucoup. Mais c'est le fun, ça faisait longtemps. Je m'ennuyais, j'avais hâte. Tu repasses quand tu veux, mettons, dans deux semaines. Ben oui. Ou demain. Oui, demain, je fais passer pour parler du spectacle Cinetica de la troupe Millennium. Millennium. Ouh, pas facile. Aluminium. La troupe aluminium, c'est papier fort. Non, donc demain, Marie-Pierre. Oui, merci à Stéphanie Gagné. Merci. À Mathieu Plante. Mathieu Plante. François-Olivier Marchand. Merci. Les requins d'avoir écouté. Ben oui. Ils sont fins, les requins. Fin. Oui. Ils sont pas comme les dauphins pour aussi intelligents. Ils n'ont pas de langage, entre eux. Non. Ils s'appellent pas par des noms. Ils se mordent à la place. Arr. Sont ouvertes. Tout sur je réalise que je connais davantage de lesbiennes que de gens de couleur. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard.